Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Isanganiro. Et là, ça dépend où l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète Terre. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Nous allons parler aujourd'hui du manque ou non des devises au Burundi. Nous avons évoqué dans nos journaux de cette semaine la rareté observable de devises sur le marché. Cela se traduit par le taux élevé d'échange qui est remarquable dans les bureaux de change à mairie de Bujumbura. Le dollar américain aussi ces derniers jours autour de 2350 francs burundais, un record estimé le plus élevé par les spécialistes de l'économie. Cela montre également le taux de dévaluation aussi élevé de la monnaie burundaise. Certains commerçants qui importent des marchandises dans le pays, plutôt dans les pays de la sous-région, disent qu'ils ont des problèmes de pouvoir trouver de l'argent en devise et au moment voulu. Ils doivent attendre plusieurs jours et s'approvisionner petit à petit pour pouvoir justement rassembler les montants qu'il leur faut en devise. Les spécialistes de l'économie, de leur côté, indiquent que le commerce de la monnaie est comme le commerce d'autres produits qui, quand ils se font rares, deviennent très chers. La Banque de la République du Burundi informe que ce problème de manque de devises est à nuancer puisque la quantité des produits importés n'ont pas changé. Il faut citer ici les importations en carburant, en médicaments et autres produits pharmaceutiques, ainsi que les engrais chimiques. La Banque centrale explique aussi que le montant de l'argent en devises qu'elle met sur le marché n'a pas tellement changé. Les importations et le montant de devises mises à la disposition des banques commerciales étant les indicateurs de la présence ou de l'absence de devises dans le pays, selon Dr Ephrem Niyongabo, conseiller auprès du bureau du gouverneur central de la République du Burundi. Est-ce qu'il y a manque de devises au Burundi? Pourquoi le taux élevé d'échange sur le marché de devises? Qu'est-ce qui devait être fait pour que la situation change? Voici quelques questions que nous allons passer en revue dans cette émission d'aujourd'hui. Marie-Ange Ndeimana est avec vous au micro pour vous présenter cette émission. Albert Douayou assure la mise en onde. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui, pour débuter cette émission, nous avons fait le tour des bureaux de change pour pouvoir rencontrer les changeurs et acheteurs de monnaie au début de cette semaine écoulée. Voici le reportage d'Evariste Nzikobanya. Arrivé aux différents bureaux de change, force est de constater que ces bureaux ont cessé de fonctionner. Les tableaux sur lesquels est d'habitude mentionné le taux de change du jour, rien n'était marqué. À l'intérieur de ces bureaux de change de devises, l'on a constaté ce lundi une fréquence moins satisfaisante des gens qui viennent acheter ou vendre soit les dollars ou autres devises par rapport au jour passé. Ceux qui fréquentent les bureaux de change mènent une longue discussion sur le prix d'achat ou de vente de ces devises. Les uns acceptent le prix et d'autres vont ailleurs dans d'autres bureaux. Certains bureaux visités ce lundi, les uns achetaient le dollar à 2320 et les autres à 2350 francs burundais. Que ce soit du côté des cambistes ou des commerçants, personne n'ose s'exprimer sur cette question de carence de devises. Certains des changeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros ont révélé les causes majeures de cette carence de devises. La Banque de la République du Burundi n'octroie plus de devises aux cambistes il y a presque 3 ans. Cette banque centrale exige aux changeurs un taux de vente très bas. L'interdiction de retrait des devises par Western Union ces derniers jours, ont-ils dit. Les commerçants importateurs affirment qu'ils travaillent à perte. Suite à cette rareté de devises, ces cambistes et commerçants demandent au gouvernement burundais de faire tout le possible afin que les devises soient de nouveau trouvables sur le marché. Merci à Evariste Nzikobanyanga et rappelons que le taux de change arrivé autour de 2350 francs burundais par dollar depuis mercredi de cette semaine. Nous avons approché les commerçants qui ont l'habitude d'aller s'approvisionner dans les pays de la sous-région. Ils disent qu'ils éprouvent des difficultés quand ils vont chercher des devises au moment voulu, ce qui explique qu'ils attendent plusieurs jours pour pouvoir rassembler certaines sommes dont ils ont besoin. Écoutez les propos de certains de ces habitants rencontrés en mairie de Bujumbura. mu byukuri amadevize aratugura koronga agiye kurunda amadevize agiye akubwira c'est vrai les devises ne sont pas faciles à trouver si tu vas chercher les devises quelquefois on te dit qu'il n'en possède pas même si nous arrivons à les trouver il s'achète à un prix élevé en fait c'est pas facile à voir les devises du coup ça devient difficile à faire le commerce pour moi et moi vient de s'écouler sans que je n'importe pas les marchandises à cause de cette pénurie de devises. Nous travaillons à perte. Nous demandons un sécurier de devises et à un prix normal. Il n'y a pas de devises. Le commerce va mal. Même les marchandises que nous importons n'ont pas de clients. Notre problème est que le prix de dollar a été revu à la hausse. Même si on le cherche, on ne le retrouve pas. Il n'y a pas de bénéfice car ces marchandises ne sont pas vendues. Elles restent sur place et on les va à perte pour survivre. Nous demandons au gouvernement d'user de tous ses moyens pour pouvoir faciliter le commerce. Il n'y a pas de devise. Nous changeons actuellement à 238 alors qu'auparavant c'était à 160 ou à 162. C'était normal. Quand on voyage à l'étranger et qu'on calcule le transport et le séjour, c'est une perte. Quand on retourne, on paie les taxes de l'OBR et le transport. Ça devient difficile d'aller importer les marchandises. Nous recevons à un prix élevé, mais ici le prix reste à la normale. Nous demandons aux banques de régler le taux de change pour nous faciliter la tâche. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le dollar coûte trop cher. Pour avoir 100 dollars, tu dois donner 250 000 francs bonde. Donc, importer ces derniers jours, c'est un problème. Et si une fois on le fait, on est obligé de vendre à des prix plus élevés, alors que le pouvoir d'achat de la population n'a pas changé. Ils ne peuvent pas acheter nos produits importés dans ces conditions. Les devises, on peut les trouver, mais pas au moment où on veut faire des transactions. Nous devons attendre plusieurs jours et nous sommes obligés de rassembler petit à petit les montants que nous voulons. On ne gagne presque pas parce que nous sommes obligés de vendre peu par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Tu peux vendre une pièce par semaine alors qu'on avait l'habitude de vendre 5 pièces par semaine. Un commerçant gagne beaucoup dans la fréquence de ses écoulements. Un commerçant peut aller importer quand l'échange est au niveau bas et retourner pour vendre quand le taux est plus élevé. Il est obligé de perdre par le biais de ces fluctuations. Nous demandons qu'on stabilise la monnaie bondaise. Nous sommes aussi hérités au problème de pauvreté de la population en général. Tu vois que cette année, en cette période de Ramadan, beaucoup de commerçants n'ont pas importé les habits comme auparavant, parce que les musulmans n'achètent pas beaucoup, faute de moyens financiers. Les banques ne fabriquent pas la monnaie, mais fonctionnent aussi quand la population travaille. Quand il n'y a pas de production, les banques aussi ne gagnent pas. Nous demandons au gouvernement de diminuer aussi les taxes parce que les taxes sont aussi exorbitantes. Ces derniers jours, le taux de dédouanement est aussi élevé. Nous demandons que ces taux soient revus à la baisse pour permettre aux commerçants de travailler aisément. Les problèmes que le Burundi traverse ne facilitent pas la tâche au commerce. Nous demandons aussi que la sécurité s'améliore pour que les donateurs puissent aussi reprendre la coopération avec le Burundi. Voilà, c'était les propos de certains commerçants qui s'approvisionnent souvent dans les pays de la sous-région, traduit par nos stagiaires. Unumwana wanje navye kwibatisimu gakabone batazira ibiciro ale mayindu Antonio Muzaneza urakoze kugabanya igiciro click clack otokase ibiciro ni byizi wawe kabisa Papa Yusufu abantu bato bato kwacitsa bande banago nikora tugiye kuba bande ge ingungi mwe yonyene ushimi mana kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi leti yoreka twese muri nangana akamoka bene gihugu kakambubusa bakatusi ibiciro hirya no hino agahembo kagahise nikomekwe bakatusi ibiciro hirya no hino agahembo kagahise nikomekwe ivyo vyose biba twinumira suko tutabona oya tubihanze amasoko abana bari mu gufa n'inzara kubera ikigoyi heba mwibuka abanyagihugu ntibibi by'amatora gusa mama bafise akazi bakama mu marira abatariye n'imwaro basohozwa lande ibiciro mu isoko Radio Isanganiro, l'émission C'est Mosaïque. Nous sommes en train de voir ou de traiter sur problématique en rapport avec les devises observables ces derniers jours au Burundi. Le taux d'échange est arrivé à 2350 francs burundais par dollar américain. Le spécialiste en économie, Charles Nihangaza, lui explique que la montée de l'argent en devise avait commencé à monter d'une façon accélérée depuis l'année 2015. Mais le phénomène s'est beaucoup plus accentué les deux derniers mois de l'année 2016 plutôt. Pour lui, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il est au micro de notre consoeur Mireille Kanyang. En fait, la montée, elle avait commencé l'année passée vers le deuxième semestre, où là où le dollar était arrivé à 2000 francs. Mais depuis avril, mai et juin, il y a une montée vertigineuse jusqu'à 2300 pour le dollar, 2580 ou même 2600 pour l'euro. Alors, comme la monnaie, c'est comme d'autres marchandises. Les prix sont formés suivant l'offre et la demande. La demande elle est restée très importante. Les opérateurs économiques cherchent des devises. Les individus cherchent des devises aussi pour transférer, peut-être pour les études, etc., ou d'autres achats. Et les entreprises ont leur besoin. Alors, si ces devises ne sont pas disponibles là où ils peuvent les avoir, donc dans les banques commerciales et dans les bureaux de change, ça se comprend que les prix des devises vont augmenter. Parce qu'il y a eu la mesure de transférer une grosse partie des devises des projets, des ONG, des ambassades vers la Banque centrale. Or, la Banque centrale, la Banque centrale n'a pas de contact avec les entreprises privées, les individus. Et donc, c'est-à-dire que les entreprises et les individus n'ont plus accès facile à cette devise. C'est pourquoi peut-être la Banque centrale devrait trouver un moyen pour que ces devises qui sont gérées à son niveau puissent arriver dans les banques commerciales facilement et dans les bureaux de change pour qu'il y ait plus de disponibilité et que les prix puissent diminuer. Le rôle des banques commerciales dans la disponibilité des devises est important, si je vous ai bien compris. Il est même essentiel. Ce sont les banques commerciales qui travaillent avec les entreprises, qui travaillent avec les individus. Même les bureaux de change, ils ont un rôle important, surtout pour les individus. Ce qui fait que ce sont eux qui connaissent les besoins. Ce sont eux qui donnent des crédits. Il y a des crédits. Par exemple, souvent, les gens qui importent, d'abord, cherchent des crédits. Donc, ce qui fait que leur rôle est vraiment essentiel. Si une grosse partie de leur devise qu'ils géraient n'est plus disponible, ça pose des problèmes. C'est pourquoi il est nécessaire de voir comment les banques commerciales continuent à jouer le rôle, à avoir beaucoup de devises pour les rendre disponibles. Peut-être la Banque centrale pourra voir par quel moyen, parce que les banques commerciales donnent des rapports hebdomadaires à la Banque centrale sur l'utilisation des devises et les bureaux de change de même, je crois qu'ils donnent des rapports, ce qui fait que la Banque centrale pourrait voir comment contrôler plus, mais donner un rôle aux banques commerciales. mondiale donner un rôle au bureau de change. Mais la banque centrale plutôt devait plutôt jouer beaucoup plus le rôle de contrôle plutôt que de gestion de cette devise, parce que ils sont loin, la banque centrale elle est loin, elle ne peut pas se substituer aux banques commerciales. Docteur Ephrem Niongabo, conseiller auprès du bureau du gouverneur de la Banque centrale de la République du Burundi, n'infirme ni ne confirme qu'il y a manque de devises dans le pays. Pour lui, le montant des devises que la Banque centrale mettait à la disposition des banques commerciales n'a pas énormément changé. Les quantités des importations en carburant, en médicaments et en engrais chimiques, qui sont les principaux produits que le Burundi importe à partir de l'étranger, n'ont pas également changé d'une façon significative. Il commence à nous expliquer l'ampleur des fluctuations des cours mondiaux des réserves en matières premières. Docteur Ephrem Niongabo. J'aimerais d'abord vous rappeler rapidement que actuellement, et je me réfère au rapport qui est juste à côté de moi, qui est intitulé Perspective économique régionale, qui est un rapport sorti par le FMI au mois d'avril, donc il est très récent. Il montre que, et c'est une information qui est assez connue par tous ceux qui s'intéressent à la question, que ces deux ou trois dernières années, les cours mondiaux des matières premières ont baissé de façon importante, qu'il s'agisse des produits pétroliers, qu'il s'agisse des minerais, qu'il s'agisse des produits agricoles, et que donc pour la plupart des pays africains dont les sources de revenus en devise dépendent de ces exportations, les pays ont été impactés, évidemment dans des proportions variées. Pour les pays qui ont des exportations diversifiées, c'est-à-dire qu'ils exportent des produits pétroliers, des produits minéraux, des produits agricoles, l'ampleur a été moins ressenti par rapport aux pays qui affichent une concentration de leurs exportations, comme le Burundi, où nous exportons essentiellement le café, et puis le thé, et les autres types d'exportations sont relativement très réduits. Les niveaux de réserve, ce n'est jamais un niveau constant. Il peut varier légèrement à la hausse, il peut varier légèrement à la baisse. Maintenant, par rapport à la question précise que vous évoquez de manque de devises, moi je pense qu'il faut être plus ou moins nuancé, parce qu'au niveau de la Banque centrale, ce que nous faisons, c'est de dire qu'il y a des produits stratégiques que nous importons parce que nous ne les produisons pas sur place. C'est principalement le carburant, les médicaments, les engrais, et jusqu'à à l'heure où je vous parle, on n'a pas manqué de devises pour financer ces importations. Je peux vous référer aux statistiques officielles de la BRB. Vous pouvez aller directement sur le site de la BRB. Ça ne demande pas un mot de passe, qui ce soit en Burundi, en étranger, en étudiant, en fonctionnaire, en journaliste, il peut y accéder. Vous consultez les cinq rapports, les rapports annuels de la BRB sur les cinq dernières années. Vous pouvez regarder les rapports intermédiaires, ça veut dire le bulletin mensuel. Il y a un bulletin chaque mois qui sort. Vous pouvez consulter les rapports du comité de politique monétaire. Tous ces rapports donnent les grandes et les statistiques sur les grandeurs, les principales grandeurs économiques, que ce soit la production, les importations, les exportations, les réserves de change. Et donc, vous verrez que de façon globale, les valeurs des importations n'ont pas remarquablement changé. Et les valeurs des montants d'intervention de la BRB, c'est-à-dire le montant de devises que la BRB met sur le marché interbancaire des devises, n'a pas remarquablement changé. Et sur ce point, je voudrais encore préciser que le marché interbancaire des devises ici chez nous, finalement, la Banque centrale est quasiment en situation de monopole. En situation de monopole parce que l'essentiel de l'argent, des devises qui financent les importations, c'est l'argent qui vient de la Banque centrale et qui transite par les banques commerciales et les banques commerciales à leur tour les mettent à disposition des opérateurs économiques, des importateurs. Et la situation est un peu différente d'autres pays où parfois à côté de la banque centrale vous avez d'autres acteurs qui interviennent dans l'offre de devises, en l'occurrence et les banques commerciales. Et donc si chez nous je vous dis que les montants que la banque centrale met sur le marché n'ont pas, il n'y a pas eu de grand changement. Donc globalement on peut retenir que aujourd'hui la BRB confirme qu'il n'y a pas manque de devises au Burundi. Écoutez, je pense qu'il faut être assez clair dans la question. comment est-ce que la BRB va apprécier la situation des devises? Est-ce que la BRB est en mesure de financer les importations de produits stratégiques? Oui. Et je vous dis que rien que vendredi de la semaine passée, la banque a mis sur le marché 25 millions de dollars. Est-ce que vous avez entendu un importateur de carburant ou de produits, de médicaments ou d'engrais dire qu'il a été incapable d'importer parce qu'il n'a pas accès aux devises? Je pense que cela n'est pas encore arrivé. Ça n'est pas encore arrivé. Justement, émission à Mosaïque, certains importateurs de médicaments nous ont révélé qu'ils ont des difficultés pour pouvoir trouver des devises. Certains doivent attendre plusieurs mois avant de recevoir de l'argent auprès des banques commerciales. Cassien, c'est le président de l'Ordre des pharmaciens au Bondi. Évidemment, comme tous les autres secteurs, le secteur de la vente du médicament a été touché par la crise qui secoue le pays aujourd'hui, puisque la quasi-totalité des médicaments que nous avons sur le territoire national viennent de l'étranger et donc sont liés à l'importation. Et aujourd'hui, avec la carence des devises, il est vraiment difficile de pouvoir garder de bonnes relations avec les fournisseurs. Nous connaissons beaucoup de retards de paiement. Et les retards de paiement engendrent la non-livraison des produits pharmaceutiques. Et cette livraison des produits pharmaceutiques n'étant pas là, évidemment, la population burundaise en souffre énormément parce que beaucoup de gens courent dans toutes les pharmacies sans pouvoir trouver les produits dont ils ont besoin. Et ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que même si les rares produits sont disponibles, ils coûtent cher puisque le coût des devises est devenu élevé et la répercussion se fait sur le prix d'achat du médicament. Et comme la population burundaise est aujourd'hui un peu démunie, elle ne sait même pas s'acheter le médicament et donc produit pas disponible, pas de traitement. Même si le produit est disponible, pas de traitement parce que la population ne sait pas. Est-ce qu'il y a des médicaments ou certains produits pharmaceutiques que vous n'importez plus suite justement à ce problème? Eh bien oui, il y a une catégorie de médicaments qu'on n'arrive pas à avoir, hein, comme certains fournisseurs disent qu'ils ne vont plus livrer puisqu'on ne sait plus les payer à temps. Et donc vous comprenez que les produits qui sont vendus par ces fournisseurs ne sont plus disponibles. Donc il y a pas mal de produits essentiels qui ne sont pas disponibles sur le marché. Et vous pouvez estimer les diminutions en quelle moyenne? Bon, je peux estimer entre 10 à 20% de produits qui devaient être disponibles qui ne sont plus là parce qu'on voit pas mal de patients faire le tour de toutes les pharmacies sans pouvoir se procurer de ce produit-là. Par rapport aux banquiers, justement, il y a d'autres pharmaciens qui nous ont dit qu'ils attendent plusieurs mois pour pouvoir avoir de l'argent pour importer. Vous avez des problèmes avec les banques? Bon, c'est un problème tout à fait général, hein. Les devises n'étant pas là, les banques ne sont pas approvisionnées et donc vous faites des demandes d'importation. Ils vous demandent de patienter le temps qu'ils aient récolté un peu de devises pour pouvoir payer les fournisseurs. Et c'est tout à fait normal. C'est un circuit, je dirais un cercle vicieux. Vous attendez un mois, deux mois, trois mois, alors qu'en principe, une semaine, deux semaines, le paiement devait se faire. Pour lui, les conséquences deviennent trop énormes pour le secteur de la santé, d'autant plus qu'il y a certains produits pharmaceutiques qui ne sont plus disponibles sur le marché et cela influe sur la santé des populations. Le spécialiste économique Charles Nihangaza explique que les conséquences sont énormes aussi pour la vie du pays en général et des problèmes de pénurie probables des produits importés. Et suivez encore une fois Charles Nihangaza, interrogé par Mireille Kanyangi. Dans la disponibilisation de ces dons. Oui, justement, face à cette montée à la carence de devises, quelles sont les conséquences sur la vie du pays, sur l'économie nationale? Le Burundi, c'est un pays enclavé qui importe beaucoup de marchandises, qui importe le carburant, qui importe les médicaments, les matériaux de construction, pratiquement tout est importé. Et aussi les matières premières sont importées. Si les devises sont chères, les prix vont être cher. Ce qui fait que si les prix sont chers et que la population n'a pas augmenté de revenus, de moyens, puisque les revenus sont restés les mêmes, eh bien, ils vont vendre moins. Les entreprises qui vont vendre moins, donc il y aura des pertes et même les bureaux de change vont peut-être même fermer, puisque leur rôle, c'est cela. Les entreprises, donc, vont peut-être même fermer et l'État va aussi perdre puisque les impôts vont diminuer. Ira kutya twamoke ibiciro mama kibido ibiciro Mari koretsi ndayarinze tushu kompetente anko amoni ogora tantine mama Vanessa Kidumu kibido ouverture de la troisième génération Kalao Ugambere narasemere Nubu ndasubiye Amajambo ni mubantu nkabirimba Abantu bato bato twacitse abande Banago nikora tugiye kuba bandege Ingunga imwe yonyene n'ugushima Imana Kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi Letiorea twese muri nangana akamoka bene gihugu kakabubusa bakatuzi bici ninda tuneswe ninda tubabaye umushahara ntiwongezwe ibintu bikadunga hose hose hose isukari bakatuzi bici yo Yanani yabakinga Igitoni kikivugwa Oya Oya Tabara Tabara Banago nikora Kwachita bande Oho Radamanti na na na radamanti, Sarbi aka satellite, repeat that one na na repeat that one, Black Jesus aka Africano. Radio Isanganiro, l'émission c'est Mosaïque. Nous sommes en train de parler du manque ou non des devises au Burundi. Le taux d'échange étant arrivé à 2350 francs burundais, le dollar américain. Et pour les importations en carburant, le docteur Ephraim Niongabo, conseiller auprès du bureau du gouverneur de la Banque centrale, des devises allouées à ces importations n'ont pas également changé d'une façon significative. On écoute encore une fois le docteur Ephraim Nyonga. Vous savez, sur la question où vous dites que des importateurs de carburant, on dit qu'ils n'arrivaient plus à importer parce qu'ils ont manqué de devises, puisque je vous dis que les quantités importées ici chez nous, il n'y a pas eu de changement. Et que le montant des devises mises sur le marché, il n'y a pas eu de changement. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est des problèmes pour ces gens, que c'est parce qu'ils ont manqué de devises, alors que les montants qui ont été mis sur le marché par la banque, je vous disais qu'il n'y a pas eu grand changement qui s'est passé. En fait, nous-mêmes, on est à la banque, on est en train de s'interroger en se disant, puisque les importations n'ont pas changé, je veux dire en termes de valeur, puisque les montants que la banque centrale met sur le marché n'ont pas significativement changé, est-ce que le problème n'est pas ailleurs? C'est la question qu'on est en train de se poser et on est en train de travailler de travailler sur cette question pour essayer d'y voir plus clair. Mais je pense clairement que le problème se trouverait peut-être ailleurs. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire de Burundi que l'on voit le dollar américain coûté à 2350 francs burundais. Qu'est-ce qui est à l'origine justement de ce taux élevé d'échange? Et vous savez, d'abord je vais parler du marché officiel des devises. Le marché officiel des devises, si vous regardez entre d'une fin d'année à une autre, c'est-à-dire vous prenez par exemple du 30 décembre 2014 au 30 décembre 2015, vous prenez de fin juin au fin juillet 2015 à fin juillet 2016, Le taux de dépréciation a été en moyenne de 4%. 4%, c'est une situation tout à fait raisonnable. Tout à fait raisonnable. Et puis, si vous vous référez même à certains pays voisins et du Burundi, de la région, de la communauté africaine, comme la Tanzanie et l'Ouganda, le niveau de dépréciation de leur monnaie est même plus important que chez nous. Mais l'important, ce n'est pas d'abord de se comparer aux autres, c'est comment nous gérons notre propre situation. Et quand je vous dis donc une dépréciation de 4% d'une année à l'autre, ce n'est pas vraiment extraordinaire. Maintenant, il y a peut-être un problème que vous avez frôlé, c'est qui est souvent évoqué ces derniers jours au niveau des bureaux de change. Vous savez que ce sont des changeurs agréés par la Banque centrale pour faire le commerce de devises. Et il se dit que nous sommes au courant qu'il y a un grand écart, bon, il y a un écart quand même assez important entre les prix qu'ils pratiquent et les prix qu'ils devraient réellement pratiquer et qui d'ailleurs sont affichés sur leur bureau. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont quand même souscrit à une réglementation qu'ils connaissent très bien, parce que le commerce de l'argent, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un commerce comme toute autre marchandise. Parce que, et c'est ça qui justifie même la mission de la Banque centrale, si vous laissez le commerce de l'argent se faire n'importe comment, c'est la monnaie qui perd sa valeur, et une monnaie qui perd sa valeur, c'est toute une économie qui est mise en difficulté. C'est ça même qui fait que la mission de la Banque centrale, c'est de protéger la valeur de la monnaie au plan interne et au plan externe. Au plan interne, c'est assurer la stabilité des prix. Au plan externe, c'est assurer la stabilité du taux de change. Donc, préserver, préserver le taux de change. Et c'est pourquoi ceux qui opèrent le commerce de devises, ils sont agréés par la Banque centrale parce que, justement, ça donne à la banque un droit de regard sur ce qu'ils font de telle sorte de s'assurer que, justement, ils ne mettent pas en difficulté cet objectif de préserver la valeur de la monnaie. Et je dois vous dire qu'au mois de novembre, vers la fin du mois, il y a une réunion entre le gouverneur de la Banque centrale et les propriétaires et gérants des bureaux de change. Il a été question justement d'aborder, entre autres, il fallait lui rappeler la réglementation à laquelle ils ont souscrite. Il fallait aussi lui rappeler l'obligation, de par cette réglementation, de respecter les marges du taux de change auxquelles qu'ils se sont engagés à respecter. Et donc, Oui, tout à fait. Chacun a eu un agrément parce qu'il a lu cette réglementation et qu'il a dit « je suis d'accord avec ça ». Donc, on a passé cette phase, il fallait passer d'abord par cette phase d'échange, de dialogue pour le rappeler parce que ce sont des partenaires. Du moment qu'alors cette phase de rappel et tout ça est terminée, bien entendu, on n'est pas resté les bras croisés, on a continué à réfléchir. Je pense que dans quelques jours, il y a des mesures qui vont sortir, non pas des mesures pas des mesures punitives. Ce ne sont pas des mesures prioritairement punitives, mais ce sont des mesures pour s'assurer que ceux qui se sont engagés à respecter cette réglementation continuent de la respecter et que je pense qu'à un moment donné, quand la loi est là, il faut pouvoir l'appliquer. Mais quand même il y a un moment qui n'est pas du tout très court. Vous avez dit que vous avez fait la réunion vers la fin de l'année qui est écoulée. 5 à 6 mois, qu'est-ce qui empêche justement la BRB de pouvoir prendre ces mesures qui visent à respecter justement ces prix officiels de taux d'échange reconnus par la BRB? Vous savez, il ne faudrait pas penser que pendant les 6 mois, que rien n'a été fait parce que les missions de supervision ont continué et il a fallu aussi laisser un peu de temps à ces gens pour s'ajuster. Quand je dis s'ajuster, c'est quoi? Il y a peut-être certains types d'équipements dont ils doivent se doter. Il y a aussi des équipements dont la BRB doit essayer de se doter pour faciliter le suivi, si je peux dire, en temps réel des activités de ces bureaux de change. Donc, pendant les 6 mois, on n'est pas resté sans rien faire. Et c'est pourquoi je disais qu'il a fallu laisser le temps de s'ajuster. À la banque aussi, il a fallu prendre le temps de se préparer. Quand je dis, il y a plusieurs choses dans la préparation qu'on fait. Comme je disais, c'est par exemple avoir les capacités permettant de suivre en temps réel, c'est-à-dire de façon instantanée, les transactions qui sont faites au niveau de ce bureau de change. Donc, je pense que si pendant les 6 mois, on n'avait rien fait, peut-être que la situation aurait dérapé. On aurait perdu le contrôle de la valeur de la monnaie. Docteur Ephrem Nyongabo, il est conseiller auprès du bureau du gouvernement de la Banque centrale. Et même si le taux d'échange des devises a été revu à la hausse, de même que le prix du carburant à la pompe ces derniers jours, le prix des denrées alimentaires de première nécessité n'ont pas augmenté, mais par contre ont été légèrement revus à la baisse. Le point avec notre stagiaire Didier Niyonzima qui s'est rendu au centre-ville de Bujumbura. Là où nous sommes passés, au centre-ville de Bujumbura, précisément au marché connu sous le nom du grenier du Burundi, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de grande variation concernant les prix de quelques denrées alimentaires les plus demandées sur le marché. Mais une petite diminution de prix est observable. Les pommes de terre qui se vendaient à 1200 francs burundais ces derniers jours sont actuellement à 1100 francs burundais le kilo. Le type de riz qui provient de la Tanzanie, qui coûtait 2200 francs burundais ces derniers jours, est actuellement vendu à 2100 francs burundais le kilo. Le riz local, qui coûte actuellement 1400 francs burundais, était vendu à 1500 francs burundais ces derniers jours. En ce qui concerne les haricots communément appelés kirundo en kirundi, un kilo se vendait à 1200 francs burundais ces derniers jours, mais nous avons trouvé qu'actuellement ils sont vendus à 1000 francs burundais. Les haricots jaunes qu'on achetait entre 1500 et 1600 francs burundais sont actuellement achetés à 1400 francs burundais le kilo. En s'entretenant avec les vendeuses de l'huile de palme, elles nous ont fait savoir qu'un litre et demi de l'huile de palme qui coûtait 3000 francs burundais ces derniers jours se vend actuellement à 2200 francs burundais. Et c'est sur les tomates que nous avons remarqué une baisse considérable de prix car les vendeurs nous ont expliqué que suite à une bonne production de cet article, un tas de tomates qui étaient vendu à 1000 francs burundais ces derniers jours est actuellement acheté à 500 francs burundais. Nous avons constaté une grande montée des prix de fruits. Les vendeurs de fruits nous ont dit que ces derniers jours, 15 mandarines étaient vendues à 1000 francs burundais mais qu'aujourd'hui, 6 mandarines seulement sont achetées à ce prix. Enama de bananes mûres, connues sous le nom de Umaramasenge en Kirundi, qu'on achetait à 1000 francs burundais ces derniers jours est vendue actuellement entre 1500 et 2000 francs burundais. Et Mosaïque, nous allons vers la fin de l'émission. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation change dans ce secteur? Les importateurs des médicaments proposent au gouvernement de soutenir les pharmaciens en faisant des contacts envers les laboratoires des fournisseurs pour que ces derniers gardent confiance aux pharmaciens burundais. C'est un effort de la part du gouvernement pour assainir la situation sociopolitique, pour créer la confiance chez les bailleurs, parce que les devises en général, vous savez très bien qu'une partie des devises était fournie par les bailleurs, donc il faut assainir les relations avec les bailleurs, il faut également assainir la situation socio-économique interne pour pouvoir avoir assez de moyens pour couvrir tous ces besoins en importation. Et pour avoir suffisamment de confiance avec nos importateurs, comme ça se fait ailleurs, il faut que l'État s'implique et rentre en contact permanent avec les fournisseurs pour donner assez de garanties. Et le spécialiste économique Charles Nihangaza propose au gouvernement de demander des prêts auprès des institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il faut absolument voir comment stopper ces choses et l'État devait s'adresser aux institutions de Bretton Woods comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Ils ont des instruments pour stopper ces choses. Ça arrive dans beaucoup de pays. C'est même arrivé chez nous lors de l'embargo et ils nous ont aidés. Ils ont des instruments financiers pour stopper, que ce soit au niveau de la balance des paiements, même que ce soit au niveau d'autres aspects donc de la gestion monétaire. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de s'adresser à ces institutions de Bretton Woods, même si il est difficile, les conditions sont difficiles, mais laisser les prix augmenter comme ça, c'est beaucoup plus, ça déstabilise beaucoup plus que de voir comment respecter les conditions des institutions de Bretton Woods. Et il y a une opinion qui dit qu'il y a justement ce taux élevé d'échange ou manque de devises au Burundi parce qu'il y a des donateurs qui n'aident plus le Burundi. Cette opinion est fondée ou il n'est pas fondée? Bon, écoutez, en termes de sources de devises, J'ai dit, il y a la partie export. Il y a les revenus des exportations, il y a les revenus des transferts de fonds des migrants, il y a les revenus qui viennent à travers les investissements, dont les investissements des étrangers. Il y a évidemment la partie qui vient de la coopération au développement. Donc maintenant, mon propos n'est pas de dire est-ce que les gens ont tort ou pas de dire ceci ou cela. Mon propos, c'est de me focaliser sur le rôle de la Banque centrale, et je vous ai dit de quoi il s'agit et comment nous faisons pour gérer le mieux possible le niveau de devise qui est là pour justement s'assurer, si je peux dire, de l'allocation optimale de ces ressources. Vous avez dit que la Banque centrale, parmi ses missions, c'est de conseiller le gouvernement en matière de politique monétaire. Qu'est-ce qui devait être fait pour que le franc burundais retrouve sa valeur? Et vous savez, il faudrait plutôt rappeler qu'est-ce que fait la banque pour justement exécuter sa mission qui essaie de préserver la valeur de la monnaie nationale. Vous savez, on a vu des pays perdre rapidement le contrôle de leur monnaie et naturellement, c'est toute l'économie qui en a pâti. Ce que fait la Banque centrale, encore une fois, c'est s'assurer d'une bonne gestion du niveau des réserves qui existent. La BEB, en tant que conseiller, c'est un conseil du gouvernement. Donc, c'est un conseil du gouvernement sur la question de la politique économique au sens large, mais en particulier en tant que gestionnaire de la politique monétaire. Donc, tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on met à disposition les devises nécessaires pour financer les importations stratégiques? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour éviter la rupture des stocks sur ces produits? Ça fait partie de ce que fait la Banque centrale pour préserver la valeur de la monnaie nationale. Et j'ai dit, quand vous vous référez au marché officiel de devises, que d'une année à l'autre, le taux de change qui varie de 4%, ce ne devrait pas être alarmant. Maintenant, j'ai évoqué la nécessité que la banque s'assure que les bureaux de change, puisqu'elle les a agréés, respectent justement les réglementations. Maintenant, la question, c'est ce qu'on fait aussi, ou ce qu'on fera dans les jours à venir pour s'assurer de ce respect de cette réglementation. Je vous ai dit que sur les semaines qui viennent de passer, on n'est pas resté les bras croisés, on a continué de travailler sur cette question. Et donc, je crois que, encore une fois, je vais vous renvoyer, c'est quoi la mission de la Banque centrale? Justement, l'émission à Mosaïque, nous sommes en direct avec le docteur Ephrem Niyongabo, conseiller auprès du gouverneur de la Banque centrale pour certaines questions qui n'avaient pas été tirées au clair. Monsieur le docteur Ephrem, bonjour. Bonjour, madame Marie-Ange. Oui, il y a certaines questions qui n'ont pas été tirées au clair, notamment dans le domaine des importations. Vous aviez souligné que les importations n'ont pas tellement changé, mais il y a les pharmaciens qui disent qu'ils ont des problèmes. Ils doivent attendre beaucoup de jours ou beaucoup de mois, 2-3 mois, voire 4 mois, pour pouvoir récolter l'argent qu'il leur faut en devise pour aller importer. Merci pour cette question et peut-être ça permet justement d'apporter un éclairage supplémentaire. Mm-hmm. Et pour commencer par le dossier médicaments plus précisément, mm-hmm. Dans le montant de 25 millions de dollars que je disais que la banque avait mis sur le marché vendredi de la semaine passée, je me réfère aux dossiers qui sont sur le bureau du gouverneur. Il y a un certain nombre d'autres dossiers qui justement concernent le produit médicaments. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, c'est un produit qui fait partie des priorités d'importation. Et je précise et j'insiste là-dessus que, justement, sur les 25 millions de dollars, en fait, un nombre de dossiers contiennent justement le médicament. Mm-hmm. Et ça, c'était un premier point. Un deuxième point, il faut préciser que la Banque centrale, jusqu'à actuellement, n'est pas en relation directe avec les importateurs. Leurs dossiers se cheminent à travers les banques commerciales dont ils sont clients, parce que vous savez, une relation entre un importateur et son fournisseur qui est à l'étranger, c'est la banque de l'importateur et la banque du fournisseur qui entre en relation pour les paiements. C'est aussi la même banque de l'importateur qui entre en relation avec la banque centrale. Oui, justement, ils avaient dit qu'ils avaient des problèmes justement avec leur banque commerciale parce que les banques commerciales ne trouvent pas suffisamment de devises pour leur payer. Puis, ils ont aussi beaucoup de dettes envers les fournisseurs. Ce que je voulais préciser, d'abord, à un moment donné, il faut que nous regardions aussi en termes de secteur. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça peut arriver qu'un importateur individuel puisse avoir des difficultés, sans que cela ne signifie que tout un secteur n'est pas en train de fonctionner. Ça, c'est une nuance importante. Mmh. Le deuxième point... Mais quand même, celui qui a parlé, c'est le président de l'ordre des pharmaciens. Laisse-moi terminer un tout petit peu. Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'un importateur individuel, ça pourrait arriver que son dossier arrive à sa banque commerciale et que celle-ci ne l'amène peut-être pas à la banque centrale si probablement le niveau de réserve de cette banque dans les comptes de la banque centrale en francs burundais, peut-être, ça peut être que son niveau de réserve ne soit pas à un niveau qui permette d'obtenir le niveau de devise de ceci. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, on donne les devises aussi en regardant la richesse de ces banques dans les comptes qu'elles détiennent à la banque centrale. Peut-être aussi, j'en profite pour le dire, la réflexion que nous sommes en train de mener, c'est de voir comment possiblement réduire les délais entre les interventions de la banque sur le marché de devises, c'est-à-dire si, comment dirais-je, raccourcir les délais d'intervention, et je pense que ça aiderait sans doute à diminuer les délais qui sont subis par les importateurs entre justement le moment où ils formulent les requêtes et le moment où ils arrivent effectivement à importer. Oui, les pharmaciens souhaitent justement que le gouvernement s'implique beaucoup plus en leur aidant avec des contacts envers les laboratoires, leurs fournisseurs, pour qu'ils gardent confiance, parce qu'il y a certains des laboratoires qui ont dit qu'ils ne vont plus fournir des médicaments aux pharmaciens burundais. Bon, c'est une suggestion de leur part. Comme je le disais tout à l'heure, que la Banque centrale est entrée en relation avec les importateurs à travers leur banque commerciale. Donc, c'était une relation plus ou moins indirecte, mais pas directe. Évidemment, quand vous parlez de l'intervention du gouvernement auprès des fournisseurs étrangers, je crois que c'est une suggestion qu'on note et naturellement, ça s'adresse au gouvernement. Donc, pas seulement à la Banque centrale, mais tout à l'heure, je me ferai vous expliquer que le secteur, donc les importateurs de médicaments sont tout à fait une priorité. Et j'insistais sur le fait que dans les 25 000 qui ont été vendus la semaine passée, il y avait un certain nombre de dossiers qui contenaient justement les médicaments. Et j'expliquais comment ça fonctionne et c'est les dossiers de ces banques, et de ces importateurs qui arrivent à la banque centrale à travers leurs banques et leurs banques commerciales. Et que ça peut arriver que ceux qui demandent et qui n'obtiennent pas la totalité de ce qu'ils demandent, ça peut aussi tenir compte de la richesse de ces banques commerciales dans leur compte tenu à la banque centrale. Mais sur le dernier point que vous évoquez d'intervention auprès de fonds étrangers, comme je disais tout à l'heure, c'est une suggestion qui est faite par qui est tout à fait raisonnable, mais qui s'adresse bien entendu aux autorités du pays et dans la banque centrale, en ce qui la concerne. Donc, je ne vais pas me prononcer sur cette question ici même, mais je pense cela comme une doléance. Oui, et pour terminer, il y a certains points où nos auditeurs ont gardé des suspens, où ils n'ont pas bien compris sur le rôle de la Banque de la République centrale, justement sur la régulation pour faire respecter justement les prix fixés par la Banque centrale par rapport aux échangeurs de monnaie. Vous avez dit que vous avez fait la réunion avec les échangeurs de monnaie et que justement, vous êtes au courant que les prix qu'ils pratiquent sont différents des prix que la BRB a fixé, et les auditeurs n'ont pas compris justement ce que va faire la BRB après cette réunion. Non, je vous disais que pendant les 5-6 mois qui viennent de passer, qu'évidemment, on n'est pas resté les bras croisés. Et l'une des choses importantes, c'est de s'assurer en suivi instantané, en suivi en temps réel, les opérations qui sont faites par ces bureaux de change. Parce que l'essentiel, c'est que normalement, l'essentiel des importations donc qui sont reconnus par des opérateurs qui sont enregistrés, que ces fournisseurs soient fournis à travers les banques commerciales. Maintenant, les bureaux de change avaient été autorisés parce qu'on sait qu'il y a des Burundais qui ne sont pas de grands opérateurs, qui, par exemple, les familles qui ont des enfants qui étudient à l'étranger et qui ont besoin justement de recevoir des devises, des familles qui vont se faire soigner à l'étranger qui ont besoin de devises, des Burundais qui partent par moment en vacances à l'étranger qui ont besoin de devises. Et donc, c'est pourquoi dans la réglementation qui est là, les bureaux de change ont été autorisés à vendre par individu par jour un montant de 3 000 $. Ça veut dire qu'un bureau peut servir autant de clients qui se présentent dans une journée, mais par contre, il ne devrait pas dépasser par client un montant de 3 000 $ parce qu'on considérait que ces besoins que je viens d'évoquer, les parents qui envoient des bourses à leurs enfants qui sont à l'étranger, c'est des montants qui devraient être relativement suffisants pour ce type de besoin, puisque le gros des importations devrait se financer à travers le secteur bancaire. Maintenant, on peut peut-être faire une spéculation, c'est-à-dire que peut-être finalement, les ventes de devises de par ce bureau de change vont énormément au-delà du montant que je viens de voter de 3 000 $. Mm-hmm. Auquel cas, si ça devrait se vérifier, auquel cas, effectivement, ce serait en contre à la réglementation qui régit leur activité. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je parle de suivi en instantané de leurs activités, de pouvoir identifier quelles sont les transactions qu'ils ont fait avec qui, à quel taux d'intérêt, à quel montant. Donc, je crois que, comme je le disais la dernière fois, on ne voudrait pas aller beaucoup plus dans une logique punitive, mais dans une logique d'appui pour les aider à améliorer la façon de leur faire, de faire leur activité. Mm-hmm. Donc, la question que tu demandais, que peut-être les gens n'avaient pas compris comment on voudrait faire, ça c'est un point important que je voulais déposer, mais qui n'est qu'un point parmi tant d'autres. Et je ne voudrais pas évidemment tous les citer ici, mais ça me semble un point important peut-être pour clarifier davantage auprès de notre équipe. Eh bien, merci beaucoup, docteur Ephraim Nyongabo, et merci pour avoir resté auprès de la radio Isanganilo pour donner ces éclaircissements. Je vous remercie, madame. Oui, et nous vous souhaitons de passer une bonne journée. Merci à vous aussi. Amamesani kukivuga isabuni yoyo ni hatari Muma hospital abana bavuka kuri gusa ikine drama kenga nuko bavuka batagira icyo bazofungura jo yegi yegi yegi yegi ahubona tudira twiririra mwebwe ntibibakorako abana banyumirirwa mu batuma hanze kwiga ariko twege mu kadutsedera na kandi tunabana Zabavyeyi hakiri kare Amahoro felina yaradutereranye Tutagiye gusigana cyo duhanuwa Muri no mwisi o byararenze Tugiye gusaba batubwira bati Oshiva Mutubabarire mutugabanirize Mutugirire ikigongwe Ubundi ni bwa twese Radio Isanganiro, émission Mosaïque, c'est par ici que nous mettons fin justement à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Et je rappelle à nos auditeurs que nous étions en train de parler justement de ce problème de manque de devises et de ce taux élevé d'échange de devises qui a atteint cette semaine 2350 francs en Burundi par dollar, un record estimé le plus élevé par les spécialistes de l'économie. Marie-Ange Zeymana était avec vous. Albert Douayou a assuré la mise en onde. Passez une agréable journée. Mosaïque.